Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée de ce vendredi 23 novembre, dont voici d'abord les grands titres. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale du Burundi et les présidents des commissions des parlementaires ont été convoqués ce vendredi par le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, pour statuer sur la levée de l'immunité du député Pierre-Célestin Dikoumana, poursuivi par la justice burundaise, selon le président de la Chambre basse du Parlement. Le groupe de presse Iwacu rejette l'accusation du Conseil national de la communication, une accusation selon laquelle cet organe de presse aurait refusé de répondre à une convocation du CNC. Vous entendrez dans ce journal Léandre Sikuyavuga, directeur des rédactions d'Iwacu. Une quarantaine de maisons d'habitation détruites, des biens et animaux domestiques emportés aux morceaux les décombres. Tel est le bilan provisoire des dommages occasionnés par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Lumongue et ses environs. Dans la chronique environnement de ce jeudi, vous entendrez que les matières plastiques jetées dans la nature sont nuisibles à l'environnement. A tout de suite avec les détails, Richard Kubgaruglachu à la présentation et Albert Ndoa assure la mise en onde. Bienvenue encore. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le président de l'Assemblée nationale a convoqué ce vendredi les membres du bureau de la dite Assemblée et les présidents des commissions parlementaires. Cette réunion, selon Pascal Nyabenda, est de statuer sur la levée de l'immunité sur le député Pierre-Célestin Dikoumana, poursuivi par la justice burundaise, selon toujours le président de la Chambre basse du Parlement. Le député Pascal Nyabenda l'a dit ce jeudi à la fin de la séance plénière sur le vote des nouveaux membres de la commission Vérité et Réconciliation. Suivez, il a été traduit en langue française par Évariste Nzikobanyang. Muramaze iminsi mubona ko umwe muri twebwe umushingamateka Ndikumana Pierre Celestin ataza hano mu namashingamateka ngira ngo mwarumvise ibyavuzwe kuri we ku ma radio no kuvuga ko procureur général. Il y a des jours où vous avez constaté qu'il y a un député Pierre Celestin Ndikumana qui ne se présente pas ici à l'Assemblée nationale. Vous avez entendu ce qui a été dit à propos de lui dans les médias. Le procureur général de la République nous a adressé une correspondance demandant la levée de l'immunité à Célestin Dikoumana pour qu'il puisse être interrogé par la justice. Selon donc le règlement d'ordre intérieur, en article 14, alinéa 1, il est indiqué que la demande de levée d'immunité à un député doit être accompagnée d'un rapport judiciaire exposant les faits reprochés au député. L'alinéa 2 dit que, avant de prendre sa décision, le bureau entend le député concerné et consulte les présidents des groupes parlementaires et des commissions permanentes avant de prendre la décision. C'est-à-dire qu'on doit écouter le concerné. Alors, nous avons convoqué Honorable Célestin pendant deux fois, mais il ne s'est jamais présenté. Maintenant, je lui ai transmis une lettre pour la troisième fois, lui demandant de se présenter à 10h ce vendredi pour que l'on puisse l'entendre. C'est lui qui connaît où il est, qu'il le mette au courant, que s'il ne se présente pas, on va prendre une décision qui s'impose. Pour la troisième fois, tout à fata décision. Le député Célestin Dikoumana a été accusé par un groupe de gens qui l'auraient en plan d'attentat contre les hautes autorités du pays, le chef de l'État y compris, ce qu'il a nié parlant d'un pur montage. Page Média, le groupe de presse Iwacu rejette l'accusation du CNC selon laquelle il a refusé de répondre à une convocation du Conseil national de la communication. Dans un communiqué de presse sorti ce vendredi par le directeur des rédactions de cet organe de presse, il regrette que le CNC n'ait pas porté à la connaissance d'Iwacu les articles incriminés. Léandre Sikuyavuga dit que son organe reste disponible pour une rencontre avec le CNC. Suivez. Nous respectons toujours les institutions. Et contrairement à ce qui a été dit, Iwacu n'a jamais refusé de répondre à une invitation, une convocation du CNC. Lorsqu'il a évoqué le manque d'équilibre dans certains articles, oui, il est vrai qu'aucun média n'est à l'abri d'une erreur, mais je vous dirais qu'Iwacu respecte toujours, autant que faire se peut, ce principe essentiel de notre métier. Est-ce que vous estimez que le CNC vous accuse injustement? Dans un but pédagogique, le CNC devrait porter à la connaissance d'Iwacu ses articles incriminés. Et puis, on pourrait discuter ensemble. Et vous, vous restez sur votre position que vous publiez des informations bien équilibrées? Alors, comme je vous l'ai dit, aucun média n'est à l'abri d'une erreur. Mais comme toujours, on essaie de donner la parole à tous les côtés. Donc, on essaie d'équilibrer l'information. Et puis, je vous dirais que depuis sa création, il y a 10 ans, Ouattu a toujours entretenu de bonnes relations avec le CNC et des solutions constructives ont toujours été trouvées lors de rares cas de friction. Ce que nous demandons au président du CNC, comme ses prédécesseurs, il faut qu'on maintienne de bonnes relations, de collaboration, de chercher des solutions constructives en cas d'un problème. Léandre Sikuyavuga a été jointe au téléphone par Francine Ndihokubgayo. Tout fonctionnaire a le droit de à la cotation après chaque année, comme l'a stipulé le statut général du fonctionnaire. Cela a été dit par le ministre de la fonction publique et de l'emploi dans une conférence de presse animée ce vendredi. Félix Moseliniga fait savoir que la notation pour l'exercice en cours se fera comme dans les années passées, en attendant des textes d'application qui vont accompagner la conformité à la nouvelle année budgétaire qui commence avec le mois de juillet, comme l'indique la nouvelle constitution. Suivez à ce sujet Félix Moseliniga, ministre de la fonction publique. Avec la nouvelle loi budgétaire qui fait référence à la nouvelle constitution de la République du Burundi et qui a conduit à une nouvelle période de planification de juillet de l'année N à juin de l'année N plus 1, une évaluation des institutions pour le premier semestre des activités planifiées pour l'année 2018 a été réalisée, mais l'évaluation individuelle n'a pas eu lieu car la notation individuelle est statutairement annuelle. Pour le moment, le gouvernement, les travailleurs et les employeurs vont d'abord s'asseoir ensemble pour trouver une solution adaptée à cette planification s'appuyant sur une réglementation d'application conséquente. L'objet de cette conférence de presse est de communiquer aux travailleurs et aux employeurs que la notation des travailleurs pour l'année 2018 va se faire comme à l'accoutumée en attendant une nouvelle orientation concertée en tripartite. Une note circulaire du mouvement de notation pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 vient d'être signée et transmise à tous les ministères pour rappel des procédures de notation. Nous espérons qu'au 31 décembre 2018, tous les travailleurs auront déjà reçu leur note d'évaluation pour la période concernée dans la note circulaire. C'était la voix de Félix Moseliniga, il est le ministre de la fonction publique. Après une courte pause, on poursuit avec le journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La vulgarisation de la loi spécifique portant protection des victimes de violences basées sur le genre et punir les coupables de ces violences, telles sont les activités qui seront à l'ordre des jours durant la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Le ministre de la Solidarité l'a fait dans une déclaration ce vendredi. Et Martin Ibzabandi a indiqué que les cérémonies du lancement de cette campagne sont prévues le 27 novembre en commune Bugabida de la province Kirundo. Suivez. Le 25 novembre de chaque année, le Burundi se joint aux autres pays du monde pour lancer officiellement la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Cette période commence le 25 novembre et se termine le 10 décembre. Cette campagne est organisée en vue de se joindre aux nombreuses femmes et filles victimes des violences basées sur le genre et qui, par conséquent, ne contribuent pas plus convenablement au développement de leur famille. Elle constitue également une occasion d'auto-évaluation pour les intervenants du secteur de la lutte contre les violences basées sur le genre, en vue de pérenniser les acquis et adopter les meilleures stratégies pour surmonter les contraintes ces défis rencontrent. Le thème national retenu cette année est « La lutte contre les violences faites aux femmes nous concerne tous ». Il a été choisi en vue d'interpeller la conscience de tout un chacun à s'impliquer davantage dans la lutte contre ce phénomène qui mine toute l'humanité, et fait appel à un travail en synergie de différents partenaires. Le lancement officiel de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, édition 2018, aura lieu le 27 novembre 2018 au chef-lieu de la commune Bugarira de la province Kirundo. Au cours de cette campagne, plusieurs activités seront organisées à travers tout le pays, plus particulièrement la vulgarisation de la loi spécifique portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre à l'endroit des différents leaders à tous les niveaux. Martin Nivyabandi que vous suiviez est le ministre de la Solidarité. Les jeunes Burundais font face aux défis liés au chômage, comme le dit Faustin Dikoumana, président de l'organisation PARSEM, lors du lancement officiel de la campagne de plaidoirie sur la transparence dans l'octroi de l'emploi. Il prévient que les recrutements non transparents pour les jeunes sont suivis d'énormes conséquences, dont leur instrumentalisation. Suivez. Depuis un certain temps, PARSEM exécute un programme lié à la sensibilisation des jeunes, à un projet de plaidoyer pour les jeunes et par les jeunes. Ça veut dire nous aidons les jeunes à faire prévaloir leurs problèmes, à les exprimer pour que les décideurs concernés puissent y trouver des solutions concrètes et idoines. Donc aujourd'hui, nous lançons une campagne nationale pour faire connaître ces problèmes. La campagne invite toute la population, les citoyens, les institutions publiques, le secteur privé, la société civile, journaliste, à faire une question pour faire connaître ces problèmes et essayer d'y trouver des solutions concrètes et idoines. Aujourd'hui, alors, le problème qui a été choisi comme ouverture de la campagne, c'est le recrutement transparent. Parce qu'on a vu qu'il y a le chômage, mais il faut que même l'emploi qui est disponible soit voyé de façon transparent. Donc, ils ont exprimé notamment les conséquences du recrutement non transparent, notamment le recul de la cohésion sociale entre les jeunes, l'instrumentalisation politique, le culte de la médiocrité au lieu du culte du meilleur. Ils acceptent qu'il y a des avancées parce qu'il y a des lois qui ont été mises sur le pied. Ils remercient le gouvernement qu'il y ait des lois pour rendre l'emploi beaucoup plus transparent. Le gouvernement avait fait l'initiative dans le temps, mais ça n'a pas continué. Aujourd'hui, il voudrait alors inviter les autres justement à appliquer cette loi, à s'investir. Page sécurité, une quarantaine de maisons d'habitation détruites, des biens et animaux domestiques emportés par le ruissellement ou morts sous les décombres, des tuyaux de la régie des eaux cassés, tel est le bilan des dommages occasionnés par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Lumongue et ses environs en début d'après-midi de ce jeudi. Les victimes demandent une assistance et l'administrateur de Lumongue promet déjà des vivres et habits à sa disposition. C'est un reportage de Jean-Pierre Misago. Le long de la Mugerangabo, canal d'écoulement des eaux de ruissellement des eaux pluviale qui traverse la ville de Lumongue d'est en ouest, un canal qui avait été débordé par les eaux de ruissellement des pluies de l'après-midi de ce jeudi, surtout entre les 8e et 10e avenues. L'heure était ce vendredi matin à la récupération des tôles, du moins celles qui étaient encore sur place, le reste ayant été emporté par les eaux de ruissellement ou tout simplement ayant péri sous les décombres. À 10h de ce vendredi, le bilan était de 37 maisons détruites selon l'administrateur communal de Lumongue. Ce qui était visible, c'est le grouillement des mouches dans ces restes de maisons. Les gens rencontrés sur place ont indiqué que c'est le début de la décomposition des animaux domestiques comme les poules, les canards, les chèvres et moutons morts sous les décombres et à ces personnes de demander la désinfection rapide de ces zones avant qu'il ne soit tard. Alors que l'administration communale de Lumongue avait promis une aide d'urgence à ces sinistrés ce jeudi soir, Célestin Nitanga, administrateur communal de Lumongue, dit que l'opération a été reportée pour ce vendredi, juste le temps d'identifier les vraies victimes. Aussitôt cette opération terminée, des vivres et des habits disponibles seront distribués aux sinistrés, selon l'administrateur communal de Lumongue. Jean-Pierre Misago depuis Lumongue, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique environnement. Les matières plastiques, lorsqu'elles sont jetées dans la nature, elles deviennent nuisibles pour l'environnement. D'après les études faites, professeur Ndikoumana Théophile, expert en sciences chimiques et environnement, explique que les déchets ménagers produits en mairie de Bujumbura sont autour de 200 kg par an. Ces matières non dégradables peuvent être recyclées dans le but de recharger les chaussées. Chronique environnement avec Christella Nizigama. Les matières plastiques non dégradables sont nuisibles pour l'environnement. Professeur Ndikumana Théophile, expert en sciences chimiques et environnement, explique que ces déchets sont répartis en deux grandes catégories. Il y a une grande production de déchets, ce qu'on appelle communément les déchets solides municipaux, que l'on peut répartir en deux grandes catégories. Les déchets non fermentescibles, constitués par les sachets plastiques, les bouteilles plastiques et d'autres produits solides, métaux, faïence, verre, etc. Et les déchets fermentescibles. Qu'est-ce qu'on produit comme déchets ici à Bujumbura? Ça tourne autour de 0,5 kg de déchets par habitant et par jour. Et en cela, c'est tout compris. Ces plastiques sont constitués par des choses non vivantes. Ils peuvent se retrouver dans des pâturages, mais aussi dans le lac Tanganyika. Les déchets en plastique, en général, c'est du carbone et de l'hydrogène, tout simplement. Donc, c'est des choses qui ne sont pas vivantes. Les aspects environnementaux, c'est que ces déchets, d'abord, s'ils sont éparpillés partout, nous avons une gêne visuelle. Ensuite, ces sachets peuvent se retrouver sur les pâturages, dans l'eau du lac Tanganyika. Les poissons vont s'en trouver vraiment très mal. C'est pas uniquement les poissons, il y a d'autres espèces qui vivent dans l'eau. Et dans les pâturages, vous imaginez une vache qui avale un sachet plastique, c'est la mort garantie en deux jours. D'après cet expert, une bouteille en plastique peut être recyclé et réengagé dans la production d'autres bouteilles. C'est recyclable, mais on peut envisager deux voies. La voie la plus simple pour les bouteilles plastiques, c'est la réutilisation. C'est-à-dire qu'une bouteille peut servir 4 fois, 5 fois pour des usages particuliers. Je n'ai pas dit que les industriels peuvent les recycler pour les remplir à nouveau. Ça, non, ce n'est pas autorisé. Ces bouteilles plastiques peuvent être déchiquetées en tout petits morceaux et être engagé dans un processus de production de nouvelles bouteilles. Également, ça peut servir pour recharger les chaussées. Les sachets en plastique, une des voies envisageables, c'est le traitement thermique. Alors là, on va produire des gaz et également des huiles minérales. Alors ce gaz peut servir comme combustible, c'est-à-dire c'est une source d'énergie. Cet expert en sciences chimiques et environnement fait appel au gouvernement et aux opérateurs économiques de s'impliquer davantage dans la gestion de ces matières plastiques. Les opérateurs économiques peuvent le faire. L'État peut le faire également. Nous payons des impôts, donc ça peut servir notamment pour lancer des projets de moyenne envergure afin de traiter les déchets plastiques. Les privés devraient pouvoir le faire plus facilement que l'État parce que c'est les privés qui investissent le mieux. En général, l'inaction coûte toujours plus cher que l'action. Professeur Ndikumana Théophile explique que parmi les déchets ménagers, il y a aussi ce qui constitue des matières fermentescibles. On vous en parlera dans la prochaine chronique environnement. C'est sur cette chronique environnement que s'achève la présentation de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Albert Ndouaye pour sa collaboration technique. À toute l'équipe de la rédaction, un grand merci. Richard Kougarou-Guilage était à la présentation. Et je vous souhaite un bon après-midi à l'écoute de la radio Isanganiro.